Radiomatique. Ooh. Vous avez peut-être reconnu la musique qui introduisait la transmission 004 d'Audiomatic de ce mercredi 15 octobre 2014. Il s'agissait de la formation culte allemande Kraftwerk qui se faisait entendre avec la pièce de Robots tirée de leur album The Man Machine, publié en 1978. Cet album, tout comme son prédécesseur Trans Europe Express, sorti en 1977, furent deux œuvres maîtresses de la musique électronique contemporaine. Bienvenue à cette nouvelle émission audiomatique animée par les électronistes. Pendant la prochaine heure, nous vous proposerons nos suggestions musicales difficilement choisies à même le style presque infini de la musique électronique. Nous vous invitons également à visiter notre page sur Facebook à Audiomatic CFOU, où vous trouverez des informations complémentaires à l'émission, en plus des liens pour écouter les anciennes transmissions. La prochaine séquence s'amorcera avec le projet californien Chouchou, qui s'orthographie X-I-U, X-I-U, de qui on entendra la chanson Stupid in the Dark à Audiomatic. Look so unplayable. fou de diversité. C'est fou, 89.1. Précédemment, à la pause publicitaire, en musique, il s'agissait de la formation britannique Juno Reactor, principalement menée par Ben Watkins, et leur composition Tempest, tirée de leur 8e album, The Golden Son of the Great East. Tout juste avant, on pouvait entendre l'artiste danois Trent Müller avec la pièce Constantinople de son album Lost. Et en début de séquence, on avait droit à Chouchou, qu'on orthographie X-I-U-X-I-U, et la chanson Stupid in the Dark de l'album Angel Guts Red Classroom, titre inspiré d'un film érotique japonais datant de 1979. Nous poursuivons avec Download, une formation qui évolue depuis le milieu des années 90. L'artiste canadien Kevin Crompton, alias Kevin Key, bien connu pour sa participation active dans le groupe Skinny Poppy, fit naître en 1994 ce projet qui allait faire école avec une musique électronique expérimentale, néanmoins rythmée et cohérente. Aujourd'hui, Download vit toujours de la collaboration entre Kevin Crompton et un collègue artiste du nom de Phil Western. Voici donc, sans plus tarder, la pièce Kundi, tirée de Lingam, le plus récent album de Download, paru en 2013. Vous écoutez Audiomatic.

Audiomatic. Cette séquence se concluait par une version remixée de la pièce Hard Boiled Wonderland du projet Empusae. Ça s'écrit E-M-P-U-S-A-E. Le remix qu'on a entendu est réalisé par Detritus et il est disponible sur le volume 3 de la compilation Emerging Organism publiée par l'étiquette de disque Tympanic Audio. Avant cette pièce, nous entendions la formation canadienne Encephalon qui interprétait la composition Garden tirée de leur premier et seul album intitulé The Transhuman Condition. Et la séquence s'ouvrait avec Download, de qui nous écoutions la création intitulée Kundi, extraite de l'album Lingam. C'est maintenant au tour du trio féminin danois Gianna Factory d'assurer la continuité musicale à Audiomatic avec les électronistes. What will you say? My power obey. profiter de ces quelques heures. L'amour est clair. Venez tout juste d'entendre à Audiomatic le groupe français Celluloid et la chanson « L'amour est clair » assombrie par Decad, qui est en fait une version remixée par le projet français Decad. On retrouve cette version sur le mini-album « L'amour est clair » disponible seulement en version numérique. Et en début de séquence, le trio féminin danois Gianna Factory interprétait la chanson « My Power Obey » de leur plus récent album, Lemon Moon. C'est déjà presque tout pour la transmission 004 d'Audiomatic en compagnie des électronistes qui espèrent que vous avez apprécié ces moments dédiés à la musique électronique. Si jamais vous désirez communiquer avec nous, Nous vous invitons à le faire en nous écrivant à l'adresse courriel audiomatique@gmail.com. Nous conclurons la transmission de ce soir avec le projet Rapoon, incarné par l'artiste multidisciplinaire britannique Robin Story. La pièce que nous allons entendre fait partie d'une création musicale et conceptuelle plus globale intitulée Time Frost. Les 5 pièces de cet album sont composées à partir d'échantillons d'une œuvre iconique de la culture européenne, soit le Danube bleu du compositeur classique Johann Strauss. Dans sa démarche artistique, Robin Story a imaginé que des fragments de culture puissent se conserver dans la glace à travers les époques, d'où le titre de l'album « Time Frost ». Et lorsque des archéologues découvriront ces fragments, dont ceux du Danube bleu de Strauss, ils devront les interpréter. C'est à cet exercice d'interprétation que s'est livré Robin Story par l'entremise de son projet Rapoon, c'est-à-dire de manipuler ces fragments du Danube bleu pour les réarranger en de toutes nouvelles compositions. Voici donc l'une d'entre elles qui a pour titre Tin Light afin de conclure la transmission de ce soir. Les électronistes qui vous remercient d'avoir partagé leur espace son et qui vous incitent à syntoniser CFOU mercredi prochain dès 18h pour la transmission 005 d'Audiomatique. Prenez note que l'émission est aussi en rediffusion les samedis à 20h et vous pouvez également écouter les anciennes émissions en différé en vous rendant sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent à 19h. Voici Rapoon Tin Light.